Bonjour à tous et bienvenue pour le 14e podcast footballride.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, avant le match qui opposera l'Argentine à l'Allemagne, nous allons revenir sur les deux premiers quarts de finale qui se sont joués hier. Le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2010 au même stade auquel il avait été éliminé en 2006, cette fois-ci face à la France. Mais bon, hier c'était face aux Pays-Bas sur le score de 2 buts à 1. Et la qualification 40 ans après de l'Uruguay pour les demi-finales d'une Coupe du Monde, cette fois face au Ghana. Et la qualification s'est jouée notamment au tir au but où les Uruguayens ont mieux maîtrisé cette séance que les Ghanéens. Tout ça, ce sera donc avec Baptiste de journalsport.wordpress.com qui est comme tous les jours avec nous. Salut Baptiste et re-bienvenue pour un nouveau podcast. Salut Albertine, salut Nicolas, salut à tous. Et aujourd'hui, notre intervenant est Nicolas qui vient pour la première fois dans ce podcast. Nicolas qui travaille notamment pour le site footballistique.fr. Alors Nicolas, bonjour et si tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur footballistique.fr. Bonjour Albertine, bonjour Baptiste, bonjour à tous. Footballistique avec un seul L et un seul C, comme Olic du Bayern que tu adores. Footballistique, c'est une encyclopédie en ligne en fait. À la base, c'est une idée qui a été développée par des Français qui sont partis en Silicon Valley un peu à l'aventure et qui se sont dit tiens, il y a pas un seul site de foot. Enfin, si des sites de foot, il y en a des milliards, mais un site qui rassemble l'ensemble des informations sur le football avec tout ce qu'on peut imaginer dessus. Un peu pour ceux qui aiment le cinéma et qui connaissent le site IMDb du foot. Et ben, c'est un pari qui a été fait. Ça a été un pari qui a été fait pour aller trouver de l'argent pour fabriquer ce site. Et puis aujourd'hui, il est en place. Il existe en plusieurs langues. Et puis il se développe tous les jours. Et donc sur le net, vous pouvez retrouver une version française de footballistique en tapant footballistique.fr. Alors pour commencer, on peut revenir donc sur l'élimination du Brésil face aux Pays-Bas en quart de finale de buts à 1. Donc Robinho avait ouvert le score à la 10e minute sur une passe lumineuse de Lucho qui prenait à tort toute la défense des Pays-Bas. On a d'ailleurs retrouvé un Brésil très fort collectivement avec certaines individualités au top de leur forme pendant cette première mi-temps comme Robinho par exemple et Kaká qui a été beaucoup mieux que sur ses précédents matchs j'ai trouvé. Un Brésil un peu fou comparé à ce qu'on pouvait s'attendre de cette équipe de Dunga qui était quand même pas mal basée sur la solidité défensive. Bah, il fallait jouer parce que la Hollande n'a pas de toute façon un jeu extraordinaire, elle n'allait pas faire le jeu, ça, j'en étais presque sûr. Ils ont joué et ils ont retrouvé le football qu'on connaît, qu'on aime bien. On a pu voir d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une action où Robinho fait un déblé sur le côté droit. Ouais. Passe la balle à Luis Fabiano, talonnade pour Kaká et là c'était limite le deuxième but. Ça aurait sûrement changé beaucoup de choses. On a vu une défense centrale hollandaise complètement à la ramasse, sur le premier but notamment. Et tout au long des 45 premières minutes, et un goal qui a semble-t-il, tenu la maison qui a permis à son équipe de rester dans le match. Et ouais, après la deuxième période, on peut se demander ce qui s'est passé du côté brésilien. Je partage l'analyse, évidemment, notamment sur le côté à la ramasse de la défense hollandaise. Après, je pense qu'il faut aussi pondérer l'analyse en n'oubliant pas que cette défense n'était pas particulièrement expérimentée puisque ce n'est pas les titulaires qui étaient en place. Je pense pas que dans l'absolu on puisse dire que la défense hollandaise soit à la ramasse, si ce n'est sur ce match-là. En tout cas, je pense qu'elle nous prouvera face à l'Uruguay et de mon analyse personnelle, probablement en finale contre l'Argentine. Après, concernant le Brésil, je serais un tout petit peu moins excité. J'ai pas été très très emballé par par le jeu brésilien, ni depuis le début du mondial, ni contre les Pays-Bas. Comme énormément de gens, je fais partie des amateurs de foot qui n'est pas tellement séduit par la façon dont Dunga a mis en place cette équipe. Et je crois que les rares phases offensives dont parle Baptiste ici sont un petit peu, j'ai ressenti ça un petit peu comme une révolte contre le système Dunga. C'est pas la façon dont le Brésil joue depuis des mois. Et c'était un petit peu sans doute pour en baroud d'honneur pour prouver que l'équipe du Brésil c'était un peu autre chose que ce qui a été proposé, y compris en éliminatoire en Amérique du Sud, ils ont quand même du mal. Et puis j'ai pas du tout été convaincu tout simplement par le milieu de terrain brésilien qui quand même d'habitude est l'endroit du terrain où le Brésil fait la différence. Gilberto Silva plus Felipe Melo, ça paraît un tout petit peu léger et pas tellement ambitieux pour la meilleure nation. Donc oui, enfin cette fois-ci c'était quand même un football beaucoup plus tiré vers l'attaque que lors des autres matchs du Brésil qu'on avait pu voir. Malgré tout, ouais. j'ai été assez surprise et contente pour Kaká, que j'ai trouvé bien plus en forme que lors de ces derniers matchs. On a vu, il était quand même assez en confiance, Il tente notamment un enroulé lors de la très belle action de Robinho, pardon, sur le côté droit dont a parlé Baptiste. Je l'ai trouvé ouais, assez bien hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce joueur, vous, quand on se souvient de ses anciennes prestations dans cette Coupe du Monde notamment? Bah, il monte en puissance et pour une fois, je ne crois pas qu'il ait pris de carton, parce que c'était aussi le gros défaut qu'il avait, prendre des cartons, dont un rouge contre la Côte d'Ivoire qui n'était pas mérité. Donc non, il a bien joué, il était en même temps dans le rythme, et c'était un des rares où on sentait que bon, à la fin, il voulait faire quelque chose pour accélérer le jeu et pour aller chercher l'égalisation, parce que on a retrouvé peut-être enfin un Kaka plutôt correct. Maintenant, c'est toujours pas le meilleur. Et il paye une année qui a été vraiment un fiasco pour lui, et où on a l'impression qu'il est redevenu un joueur plutôt lambda. Je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à quand même féliciter cette équipe des Pays-Bas qui a été probablement le déclencheur de ce renouveau du football brésilien. Moi je voudrais quand même, de nombreux observateurs ont dit hier, et à penser ceux qui commentent à la télé, on va voir ce qu'on va voir. Les Pays-Bas ont eu soi-disant des matchs faciles jusqu'à présent. On va voir ce que ça va donner contre le Grand Brésil. J'entends personne qui ait pu dire le contraire, c'est-à-dire on va voir ce que le Brésil va donner contre une vraie équipe. Moi, je pense qu'en phase de poule, objectivement, que ce soit la Corée du Nord ou la Côte d'Ivoire, qui était très, très en dessous de son niveau cette année, le Brésil n'a rien eu à prouver en particulier. Et concernant le match du Brésil-Portugal... En ce qui me concerne, le match Brésil-Portugal, c'était évidemment une énorme blague. Et ils n'ont pas joué, ils ont fait tourner le ballon pendant 90 minutes, donc on n'a pas du tout vu le Brésil. Donc le Brésil s'est retrouvé pour la première fois face à un vrai adversaire. Et je trouve que si les Kaká et Robinho et compagnie ont vraiment eu l'opportunité de faire voir ce qu'ils savaient faire avec un ballon, c'est entre autres aussi parce qu'en face, il y avait quelque chose d'un petit peu plus rigoureux et solide que ce qu'ils ont pu connaître auparavant. Les Pays-Bas qui ont été assez quand même solides en première période, on peut dire ça parce qu'ils ont réussi à pas flancher complètement et pas prendre de deuxième but, mais une défense quand même assez inquiétante. On voit, il n'y en a aucun qui est aligné sur le but de... Quand je dis que la charnière est à la rue, c'est parce que sur le but de Robinho, c'est Robben qui est obligé. Oui, c'est Robben qui... Ouais. Et d'ailleurs, quand on voit, à un moment, ils avaient fait une palette sur Canal+, aucun des quatre défenseurs n'était aligné. Oui, ça c'est un vrai gros problème, et quand vous avez des joueurs suspendus ou blessés, c'est un danger. Ça nous est déjà arrivé avec l'équipe de France de nombreuses reprises. Quand vous avez des charnières qui sont pas aussi installées et fiables que la fabuleuse paire Lucho Roal, automatiquement, Auger et Matissen, enfin c'est des gens, c'est des gars qui ont pas l'habitude de jouer tout le temps ensemble, et c'est indéniable qu'ils allaient forcément tomber dans ce panneau-là, surtout avec des joueurs qui accélèrent aussi bien que Kaká, Robinho, en face, il y avait quand même des joueurs extrêmement mobiles. Hein. C'est un piège assez... Maintenant, la question que toi tu posais, Albertine, c'est qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Je pense qu'il y a eu et je pense que, alors après c'est pas forcément dans le sens du beau jeu, mais je pense que les Hollandais avaient en deuxième mi-temps vraiment pour ambition d'aller gêner psychologiquement les Brésiliens, et c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, faut pas oublier que sur le premier but hollandais, à la base il y a eu une énième tentative de Robben de mettre un peu tout le monde à l'envers, une faute qui est sifflée alors qu'il n'y avait pas faute. Il y aurait même dû y avoir un carton pour Robben, et évidemment sur l'action de jeu il n'y aurait jamais dû y avoir ce centre de Schneider et cette tête de Felipe Melo. Donc je crois que la mission des Hollandais, c'était vraiment de renverser, de bouleverser psychologiquement les Brésiliens en deuxième mi-temps, en allant encore plus au duel. Et en première mi-temps, physiquement, c'était quand même costaud. Et en allant de plus en plus au duel, en créant des fautes, en mettant le doute dans des joueurs qui étaient peut-être éventuellement déjà sous le coup d'une suspension, et qui donc modifient forcément un peu leur jeu, leur façon de marquer les joueurs. Et je fais la guerre psychologique, ils l'ont gagné en deuxième mi-temps. Ils ont déjoué, ils ont fait déjouer le Brésil plutôt qu'ils ont imprimé leur jeu, parce qu'on n'a pas vraiment vu le jeu des Pays-Bas. Les deux buts, c'est sur le premier d'ailleurs, c'est une grosse erreur plutôt défensive du Brésil, et le deuxième, c'est sur coup de pied arrêté où la défense brésilienne a arrêté de jouer complètement. Je pense que bon, les fans de foot, de vrais jeux, ne seront pas contents. parce que le Brésil était vraiment plus séduisant au niveau de la circulation de balles et de la construction que les Pays-Bas. Mais le football d'aujourd'hui est de plus en plus vicieux, de plus en plus basé sur une guerre psychologique, et Van Bommel semble être le symbole de ces guerres-là, parce qu'il peut faire 40 fautes dans un match, et le fait que ça soit Van Bommel fait que il récolte pas de carton, et en plus il arrive à imprimer et à faire déjouer ses adversaires juste en faisant des petites fautes comme ça. On a vu Daniel Alves commencer à râler plus que râler certaines fois. On a vu aussi Robinho complètement excédé par le pressing et par les fautes qu'il a subies. Le symbole, c'est aussi Bastos qui a été sorti parce qu'il était à la limite de craquer devant Robben, qui a toujours très bien joué le coup. En se couchant, ça, on l'a beaucoup dit sur les forums, etc., que Robben se couchait. Ça fait partie de son jeu aussi. Lui, il joue technique, et quand il est limité, quand il n'arrive plus à faire son râteau pour repiquer vers l'intérieur et frapper, il va chercher la faute et il la trouve souvent alors qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ça fait partie du football de maintenant. Il faut s'y habituer parce que de toute façon, ça ne changera pas. Mais est-ce que justement le Brésil a pas un peu perdu ce match, on peut dire, tout seul? Parce que c'est vrai que les Pays-Bas, ils pouvaient peut-être aller chercher le Brésil, notamment que sur le point psychologique, vu la façon dont ils étaient bien en place en première mi-temps, les Brésiliens. Donc est-ce que justement ils sont pas peut-être un tout petit peu relâchés peut-être sur ce score, alors qu'ils avaient eu en première mi-temps l'occasion d'aggraver la mise, le score, pardon? Et justement, et voilà, est-ce que c'est pas le Brésil qui a un peu perdu ce match tout seul? Je pense déjà que c'était une opposition de style de jeu, parce que le Brésil aime bien jouer, ou alors, enfin, déjà, dans un premier temps, le Brésil aime bien jouer, il est habitué à jouer au ballon, et en fait, ils avaient une équipe qui ne joue pas au ballon, mais qui préfère aller mettre en doute l'adversaire. Et, excuse-moi, Baptiste, je pense qu'il faut un petit peu relativiser le fantasme brésilien. Moi, relativiser. Parce qu'avec la période Dunga, maintenant, ils étaient habitués à avoir une très très bonne, un bon bloc défensif et à être moins festifs qu'on l'a pu le voir. Je pense que ça s'est arrêté à partir de plutôt de 2002, et en 2006 c'était déjà très très très moyen. Et là, ils ont été absents. Tu le vois sur le deuxième but, la défense, c'est pas normal que Juan et Lucho soient pas présents dans la surface. Normalement, ils seront là pour soit dégager de la tête, soit marquer très très très très sévèrement les attaquants des Pays-Bas. C'est ça qui a paru complètement. On a vraiment l'impression que le Brésil a arrêté de jouer. Oui, ou arrêté tactiquement de se placer, parce que quand tu fais allusion au deuxième but hollandais, on est sur une période de fin de match où c'est un petit peu goal à goal, et c'est un peu le war football avec des attaques des défenses. Que Juan et Lucho montent en même temps sur une action offensive brésilienne, en soi, c'est déjà un peu dangereux, mais c'est pas un mal. Quand t'as une grosse formation, Barcelone le fait sans problème. Maintenant, il faut que les milieux défensifs jouent leur rôle de couverture. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure au début. Moi, le choix de Dunga de mettre Felipe Melo et Silva, et sachant que Melo en plus s'était viré assez vite. C'est un peu léger. C'est super léger. C'est quand même l'équipe Brésil, c'est l'équipe qui fait rêver toute la planète, c'est l'équipe qui est 5 étoiles. Moi, c'est ces deux gars-là au milieu de terrain, ce sont ceux qui sont censés ratisser le jeu, l'orienter, tout ça. T'as pas l'impression que le Brésil cherche enfin un sélectionneur qui correspond à ce que le pays attend? J'ai l'impression que je ne suis pas suffisamment l'actualité du football brésilien pour te répondre, mais il est évident que même si on peut apprécier Dunga et tout ce qu'il a fait pour l'équipe du Brésil, après tout, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est ce qu'on attendait de lui. Il s'est débarrassé assez facilement de ses adversaires dans le groupe G, donc c'est exactement ce qu'on attendait aussi. Maintenant, je pense que l'attente qu'il y avait du public vis-à-vis du Brésil et contre les Pays-Bas était un peu surdimensionnée par rapport aux possibilités réelles du Brésil. Moi, encore une fois, peut-être que c'est présomptueux, mais dans le groupe G, contre la Côte d'Ivoire, contre le Portugal, le Brésil n'a absolument pas convaincu. Contre la Corée du Nord, ils ont fait le match qu'ils avaient à faire contre une équipe qu'on avait quand même pris pas mal 7 points contre le Portugal. Donc, pour moi, il est évident qu'ils n'étaient pas super favoris. Et quand tu dis, Bertine, ils auraient dû se mettre à l'abri avant, oui, ils auraient dû marquer un but et en marquer un deuxième, c'est évident, c'est le sens du football. Mais est-ce qu'ils en étaient vraiment capables? J'en suis absolument pas sûr. D'ailleurs, le Brésil se fait sortir de la compétition pour le premier match où il a été mené au score. Il n'avait jamais été dans la compétition. Donc là, on a vraiment remarqué une grande fébrilité en fait, psychologique de ces Brésiliens. nettement. Après, il faut aussi se demander quelles sont les forces qui ont été laissées dans le match contre le Chili, qui sur le papier et sur le match a été probablement le match le plus convaincant du Brésil lors de cette Coupe du Monde. Le Chili, on a vu ce que ça a donné dans les poules. C'était du très lourd, il y avait beaucoup de très bonnes individualités, on sentait qu'ils auraient pu faire quelque chose contre le Brésil. Ils se sont fait laminer. Les Brésiliens ont joué de manière brillante. Maintenant, où est la différence entre le Brésil qui a laminé le Chili et le Brésil qui s'est fait battre un peu honteusement par des Pays-Bas qui n'étaient pas au top de leur forme non plus? Je ne sais pas. J'ai du mal à croire que la seule différence puisse être dans l'absence de Ramirez et dans la présence de Melo. Parce que bon, Ramirez était sublime et le troisième but de Robinho contre le Chili, c'est lui. Je ne crois pas une seule seconde que Kaká ait été très très en dessous de son niveau. Je pense que Kaká, c'est un joueur fabuleux qui a fait une année mirifique au Milan. Maintenant, est-ce qu'à cette époque-là, il n'était pas un petit peu au-dessus par rapport à ses moyens réels? Et est-ce que le Kaká qu'on a en Coupe du Monde cette année n'est pas finalement le bon joueur voilà, un mec qui va avoir un niveau un peu à la Gourcuff, un bon numéro 10, mais pas un type fabuleux. Peut-être qu'on découvre le vrai Kaká cette année et peut-être que tout le monde comptait sur le fait que Kaká soit le génie, le nouveau Pelé qui va apporter encore 2-3 étoiles au Brésil, visiblement pas. Pour terminer, en parlant un peu de cette équipe des Pays-Bas qui n'a pas volé sa qualification, qui a laissé apparaître quelques phases de jeu assez intéressantes quand même, quel joueur vous a plu du côté des Oranges? Est-ce que c'est Robben ou est-ce que c'est Keut par exemple, qui est une des rare star du football anglais, peut-être qui relève un petit peu la tête durant cette Coupe du Monde? Est-ce que vous avez été encore une fois déçu de Van Persie, par exemple? Pour moi, le joueur clé du côté, là, sur ce match-là, on dirait que c'est Schneider pour ce qu'il a fait. Robben a aussi joué, mais plus dans un sens psychologique. Et le gros souci pour eux, c'est Van Persie devant qui est complètement à la masse. Il s'est arraché là sur ce match, il a vraiment essayé, mais on a l'impression qu'il n'a pas les capacités pour réaliser un bon match, même un match correct. Et Muntelaar m'a souvent plus convaincu quand il est rentré en jeu à sa place que Van Persie. Keut qui joue plus un jeu dans la construction que dans la finition, alors qu'on a l'habitude de le voir dans la surface souvent. Là, il est moins visible et a priori, il fait du bon boulot. Et Van Bommel, quand même, au milieu, ça reste important. Là, oui, aussi sur la guerre psychologique, mais aussi pour donner des ballons, etc. Je partage absolument l'analyse de Baptiste. Concernant Keut, puisque tu poses la question, moi, je l'ai trouvé plutôt transparent face au Brésil, mais c'est pas de sa faute. Je dirais que on pourrait être assez étonné vu le schéma de jeu des Pays-Bas et vu la qualité de dribble et débordement de Robben à droite, que Keut n'ait pas fait le même office à gauche. Je m'attendais un petit peu à ce que les Hollandais collent sur les lignes et finalement écartent beaucoup le bloc brésilien pour essayer de se percuter au milieu. C'est pas du tout ce qui a été fait, c'est pour ça qu'ils se sont fait un peu manger en première mi-temps. Et puis Keut, je regrette effectivement, j'aime bien Liverpool et je regrette de ne pas avoir vu Keut dans la surface. À la limite, malheureusement, Van Persie, on pouvait s'attendre à une super Coupe du Monde de sa part, vu qu'il n'a pas beaucoup joué cette année avec Arsenal, il est arrivé tout frais. Et voilà, comme Mathis, je suis super déçu parce que j'adore Arsenal et je l'attendais vraiment beaucoup de Van Persie. À la limite, je pense que Keut serait en numéro 9 tout seul, là, serait peut-être plus efficace parce qu'ils ont un jeu de tête pareil et physiquement, là, du coup, physiquement, Keut, avec Lucho et Juan, aurait été, à mon avis, beaucoup plus percutant que Van Persie. Et côté hollandais, je regrette, moi, de, justement, vu que les titulaires sont pas forcément toujours au top de leur forme, je regrette de pas avoir Babel. Ryan Babel, c'est un garçon qui est un peu inégal, mais en revanche, quand il est en forme, je pense qu'à gauche, il n'y a pas grand monde qui pourrait le challenger. Je regrette de la même manière de ne pas avoir Afellay, qui est un mec brillant, qui bouge très très vite et qui n'est pas là que parce qu'il est à mon avis trop jeune et trop irrégulier à ce niveau-là. Et de la même manière, toujours parce qu'il est trop jeune. Dommage qu'on voit pas un peu plus Goulard-Rose. Je suis par ailleurs historiquement fanatique des gardiens néerlandais, premier type d'adversaire qu'on rencontre beaucoup cette année, malgré ses 54 ans. Et je pense qu'il a dans Stekelenburg un homme encore un peu pas forcément toujours très sûr de lui sur sa ligne, mais qui, à mon avis, est le digne successeur de la grande lignée des gardiens hollandais. C'est un gars qui fait pas beaucoup d'erreurs et qui a une bonne distance. On va notamment se détendre sur la frappe de Kaka. On va passer au deuxième match, donc au deuxième quart de finale. L'Uruguay est qualifié donc pour les demi-finales d'une Coupe du Monde 40 ans après. L'Uruguay qui a obtenu son ticket après une séance de tirs au but remportée face au Ghana. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Nicolas? Je suis très partagé. Je suis avant tout, en tant que fan de football, je suis ravi, absolument ravi d'avoir assisté probablement au scénario le plus délirant de cette Coupe du Monde. Dans un match qui était absolument inattendu entre deux formations qu'on voyait pas du tout arriver, alors évidemment à ce niveau-là. Donc magnifique scénario, génial. Après, l'histoire retiendra les 40 dernières minutes, hein, prolongation comprise, parce que honnêtement, moi les 75 premières minutes du match m'ont pas forcément super emballé. Ce sont deux équipes de manière équivalente, qui sont capables d'un seul coup de produire du jeu en éclair, mais qui globalement, dans la circulation du ballon et dans la construction du jeu, sont pas super glamour. Donc je suis un peu partagé quand on répond. Globalement, pendant trois quarts d'heure, pendant une heure, je me suis un peu embêté. En revanche, comme tout le monde, j'étais par terre, mort de joie de la dernière demi-heure qui a été proposée, tant au niveau du suspense, au niveau du côté dramatique, le sacrifice de Forlan, le péno raté, enfin, on peut pas en vouloir à Gian, évidemment, qui le sacrifice de Suarez, non? Comment? Le sacrifice de Suarez. Oui, de Pat Forlan, excuse-moi, de Suarez, évidemment. On peut pas en vouloir à Gian, évidemment, d'avoir raté ce péno, puisque, s'il avait raté, qu'il avait tiré avant, le Ghana n'aurait tout simplement pas franchi la poule. Donc, de toute façon, il reste le héros ghanéen. Et puis, évidemment, on peut que le féliciter d'avoir eu l'immense courage de retenter le péno dans la séance régulière. Ça, c'est chapeau. Après, évidemment, comme pas mal de gens, j'ai fini par être, de passer de la neutralité, j'ai fini par être pour le Ghana à la fin parce que je trouvais ça sympa l'idée qu'il y ait un club, un pays africain en finale. Et j'ai été évidemment un peu frustré par le dénouement, parce que tu te rends compte dans ces matchs-là que t'as des types qui se donnent à fond pendant deux heures, et puis t'en as toujours un qui va finir le match de manière un peu plus décontractée. Cette fois-là, c'est John Mensah qui malheureusement fait, et je suis triste pour lui, mais qui fait confirmer les intuitions que les amateurs de foot en France, en Angleterre savent déjà, c'est-à-dire que c'est vraiment un gars irrégulier. Moi, je l'ai trouvé un peu en surpoids personnellement, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un très bon match, et malheureusement pour lui, c'est lui qui tente tout. Je pense honnêtement que Baptiste, Albertine ou moi-même, au choix, aurions arrêté ce pénalty, qui est un des pénaux les plus mal tirés de la planète depuis que je regarde le foot à la télé. Et en quart de finale de la Coupe du Monde, quand tu peux qualifier ton pays pour le tour suivant, c'est quand même super triste que ça se termine comme ça. Ouais. Baptiste, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le pénalty accordé au Ghana sur des mains de Luis Suarez. J'avais l'impression que tu étais assez remonté après. Après ce passage dans le match. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un des seuls hein, sur la planète à avoir vu ça, enfin, l'avoir vu de ce point de vue-là, mais c'est peut-être ma naïveté d'enfant ou, je sais pas, mes yeux d'enfant qui regardent du football. J'ai trouvé le geste de Suarez complètement anti-sportif, complètement anti-football. La première règle, la première loi du foot, c'est n'utilise pas tes mains si tu n'es pas gardien. Suarez allait peut-être revoir un peu ses assises, parce que ce qu'il fait pour moi mérite limite. Comme on a au rugby un essai de pénalité, là, je me souviens quand on était petit, on disait que si quelqu'un arrêtait de la main un ballon qui allait dans les buts, on disait qu'il y avait but. Cette règle paraît complètement idiote, elle est, à mon avis, logique et aurait dû s'appliquer. Mais passons, parce qu'après tout, Suarez a l'air d'être passé pour plutôt un héros qu'un gars qui ne respecte pas le foot. C'est chacun son avis et je veux bien être le seul à penser cela. Voilà, maintenant on a vu un match quand même avec deux équipes qui ont sûrement les joueurs qui vont faire le plus parler d'eux là cet été, parce qu'il y a des révélations assez incroyables. Je commencerai par Boateng du côté du Ghana, qui est un mec qui en Angleterre a été très vite pas apprécié. En Allemagne, c'est l'ennemi numéro un parce qu'il a blessé Ballack, mais ce mec-là a un talent tellement, tellement fou. Il est à Portsmouth. Portsmouth est je crois que Portsmouth est très mal économiquement et financièrement. Il va, à mon avis, signer dans un grand club là cet été. On a aussi leur attaquant, Gian, qui est quand même un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui est devenu un peu le Michael Essien du Ghana dans cette Coupe du Monde. Il est devenu le symbole d'une équipe et à mon avis, lui aussi va refaire parler de lui. Et il y a d'autres joueurs dans l'équipe du Ghana qui sont déjà dans les grands clubs. Du côté de l'Uruguay, Suarez, à mon avis, ne va pas rester bien longtemps à l'Ajax, Forlan et à l'Atlético, mais pourrait peut-être finir dans un grand club, même s'il est déjà passé à Manchester. Il y a plein de joueurs comme ça. Maintenant, sur le match, je pense que Muntari ouvre le score un peu comme ça, sans vraiment avoir de mérite particulier. Une belle frappe et un ballon assez vicieux aussi. Forlan égalise aussi sur une frappe assez vicieuse. Les buts dans ce match sont un peu secondaires parce qu'il y a eu une bataille entre deux équipes qu'on n'attendait pas du tout. Et un match qui, moi, m'a beaucoup plu, même si, bon, tu disais, Nicolas, que les 75 premières minutes n'étaient pas extra, je trouvais quand même qu'il y avait du jeu et des choses à noter. Ça restera un match dans les annales du football, mais je trouve que, quand même, la fin du match est limite. Et quand on voit Suarez qui quitte le terrain, qui a le temps de regarder sur les écrans que Gian vient de rater son pénalty, je trouve ça tellement contre sportif, anti football et je pense que ça n'a pas à être, surtout dans une Coupe du Monde. Mais bon, si on a le droit maintenant d'utiliser les mains, parce que quand il met sa main et quand il retire le ballon, il sait que derrière c'est un penalty où il y a limite 50-50. Alors que sur un penalty, normalement, t'as beaucoup plus de chances de le marquer que de le voir arrêter. Ben là, il a plus de chances de le rater que de le marquer parce qu'il a le poids de l'Afrique sur les épaules. Ouais, c'est vrai. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse débattre de ce fait de jeu-là sur un podcast, parce que c'est un peu long, et puis parce qu'il faudra sûrement beaucoup plus d'intervenants pour que ce soit encore plus passionnant. Maintenant, c'est un peu aussi la magie du foot, on va dire, pourquoi est-il défensif, mais il y a un côté dramatique dans le spectacle du football qui fait que ce genre de geste, de la même manière que le coup de Zidane en finale qui fait perdre la France, de la même manière que la main de Maradona qui déclenche tout dans le match contre l'Angleterre, il y a toujours des gestes entre guillemets anti-sportifs qui font qu'un match va rester dans la légende ou pas. Parce que voyons les choses en face, si Forlan ne met pas les mains, il y a but. Et si Suarez, le match Suarez, arrête Suarez. Là, d'accord, le match arrête là et le match n'est plus tellement une légende. Ça a été un bon match avec une bonne prolongation. C'est plus une légende, ça ne rappellera plus. Moi, ce que je note plutôt, et je remercie à juste titre Lucarne Opposé qui d'ailleurs sur Twitter s'en est fait l'écho ce matin. Malheureusement, on ne parle pas assez du fait que Forlan a probablement été exclu à tort, puisque si la règle du jeu avait été appliquée, il est probable que l'arbitre assistant aurait signalé un hors-jeu des attaquants ghanéens sur cette action-là. Donc ça, c'est dommage qu'on n'en parle pas forcément. Moi, je trouve que ça fait aussi partie de la légende du football. Voilà, un hors-jeu oublié, une main sur la ligne, un péno raté. Voilà, ça restera quoi qu'il arrive. C'est aussi la preuve que les arbitres ont des défauts, qu'on ne peut pas avoir toutes les fautes, qu'on ne peut pas jouer comme dans les cours de récréation, t'as mis la main mais il y a but quand même. Moi, je trouve que ça justifie entièrement le fait que le football soit le sport le plus populaire du monde, parce que justement, il y a des trucs comme ça. C'est les jeux romains. Il y a des rebondissements, et s'il n'y avait pas eu ce rebondissement-là, bah, ça aurait été juste un match. Là où a raison Nicolas, c'est que quand même la qualité des tireurs ghanéens sur la séance de tir au but, je sais pas, ils étaient compressés par l'enjeu. J'ai l'impression qu'ils avaient des petits pieds, quoi. Ouais, bah ils avaient. Oui, ils avaient de 2 heures de match plus les heures d'avant. C'est juste des sportifs. Messieurs, le podcast touche à sa fin, donc on connaît déjà la première demi-finale de cette Coupe du Monde qui opposera les Pays-Bas à l'Uruguay. Nicolas, merci pour ta première participation dans ce podcast et donc bonne chance avec footballistique.fr. Footballistique, c'est gentil. Footballistique, oui. Je vous invite d'ailleurs tous à rejoindre Footballistique dès aujourd'hui. Vous avez sur la page d'accueil une merveilleuse petite vidéo qui est le match entre les Pays-Bas et le Brésil. Si ça, c'est pas une vidéo à propos. C'est un match qui a eu lieu le 3 juillet 1974. Et qui a vu la victoire des Pays-Bas qui sont qualifiés pour la finale de 74 avec, pour les plus jeunes, ceux qui n'ont jamais vu Cruyff jouer, c'est le bon moment. Donc rendez-vous tous donc, sur footballistique.fr ou footballistique.com pour la version anglaise. Baptiste, merci et donc à demain. À demain. Demain, on reviendra sûrement sur les matchs d'aujourd'hui. L'Allemagne s'est imposée 4-0, une énorme victoire des Allemands face aux Argentins de Diego Maradona, qui sont donc éliminés au même stade qu'en 2006 par ces mêmes Allemands de la Coupe du Monde. Et nous reviendrons aussi sur le match entre le Paraguay et l'Espagne qui décidera du dernier demi-finaliste de cette Coupe du Monde. À demain pour un nouveau podcast. Au revoir.